Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 97. De la peine des damnés. Les damnés souffrent diverses peines, outre celle du feu. Ce qu'il faut entendre par le ver qui les ronge, par les pleurs qu'ils répandent, par les ténèbres qui les environnent. De quelle nature est le feu de l'enfer? L'enfer est-il sous la terre? 1. Les damnés ne souffrent-ils dans l'enfer que la peine du feu? Il est dit dans les psaumes 10, 7, le feu, le soufre et le souffle des tempêtes, voilà leur partage. Nous lisons pareillement dans le livre de Job 24, 19. Ils passeront des eaux glacées à une chaleur excessive. D'après saint Basile, à l'heure de la suprême purification des éléments du monde, ce qui est pur et noble montera vers les régions supérieures pour servir à la gloire des élus, tandis que tout ce qui est ignoble et souillé sera précipité dans l'enfer pour le châtiment des damnés, de même que toutes les créatures seront une source de joie pour les élus, de même les damnés y trouveront leur tourment. Et alors se vérifiera cette parole, l'univers entier combattra avec Dieu contre les insensés. Sagesse 5, 21. La divine justice le veut ainsi, en s'éloignant par le péché du seul et véritable bien, les hommes mettent leur fin dernière dans les choses matérielles, qui sont multiples et variées, ils doivent, pour cela même, subir des tourments divers. Note. Si dans cette parole, retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, notre Seigneur mentionne uniquement le feu, c'est que cet élément, très actif, est le plus cruel des supplices. Fin de la note. 2. Le ver des damnés est-il corporel? Aucun animal ne subsistera dans le monde renouvelé, ni même aucun corps composé, si l'on excepte celui de l'homme. On ne parlera plus de génération ni de corruption. Il suit de là que le ver auquel les damnés sont en proie doit être entendu dans un sens spirituel. Il n'est autre que le remords de la conscience, qui, provenant de la corruption du péché, déchire l'âme, comme le ver corporel, né de la pourriture, ronge les corps. 3. Les pleurs des damnés sont-ils corporels? Dans les pleurs du corps, il y a d'abord les larmes qui s'écoulent de la glande lacrymale, et, sous ce rapport, on ne peut admettre les pleurs corporels chez les damnés, il y a ensuite un ébranlement pénible de la tête et des yeux. Sous cet autre rapport, les pleurs pourront exister chez les damnés, dont les corps auront à souffrir de la part non seulement des agents extérieurs, mais de l'âme elle-même. Ainsi compris, ces pleurs supposent la résurrection de la chair, ils seront le corrélatif du plaisir que l'âme et le corps ont trouvé dans le péché. 4. Les damnés seront-ils dans les ténèbres corporelles? Saint Grégoire, commentant ces paroles, lui ayant lié les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures, Matthieu 22, 13, disait, si le feu de l'enfer était lumineux, on n'emploierait pas cette expression, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Saint Basile ajoute, par un effet de la puissance divine, la clarté du feu, séparé de la chaleur, servira à la joie des bienheureux, et la chaleur, séparée de la clarté, sera le supplice des damnés. Absolument parlant, l'enfer est ténébreux, mais Dieu y fait pénétrer assez de lumière pour que les damnés y voient dans un jour sombre ce qui est de nature à les tourmenter. Au milieu de la terre, où se trouve l'enfer, il ne saurait y avoir, en effet, qu'un feu sombre, épais, et comme mélangé de fumée. 5. Le feu de l'enfer sera-t-il un feu corporel? Quelle que soit l'opinion que l'on embrasse touchant la nature du feu qui châtie actuellement les âmes séparées de leur corps, il est certain que les damnés subiront, après la résurrection des corps, le supplice d'un feu corporel. Une peine ne s'adapte bien au corps que tant qu'elle est corporelle elle-même. C'est la raison que donne Saint Grégoire pour prouver que le feu de l'enfer est un feu matériel. Nous avons expliqué ailleurs, comment les âmes elles-mêmes subissent les atteintes d'un tel feu. Note. L'Église n'a rien décidé à ce sujet. Bien que le sentiment soutenu par saint Thomas soit généralement adopté par les théologiens, il n'est pas de foi. Quelqu'un demandera peut-être s'il est dans l'essence du feu corporel de conformer son mode d'action aux iniquités qu'il doit punir, ce que fait pourtant le feu de l'enfer, instrument des vengeances de la justice divine. Ce feu, remarquons-le bien, n'agira pas seulement par sa vertu propre, il agira aussi par la vertu de l'agent principal, qui modifiera son action selon l'ordre et la mesure de la divine justice. Ainsi nous voyons le feu d'une fournaise obéir à l'industrie de l'ouvrier et produire ce que l'art en attend. Fin de la note. 6. Le feu de l'enfer est-il de la même espèce que le nôtre? De quelque manière que le feu se produise, il est toujours du feu. Il n'y a de diversité dans l'espèce que pour les corps qui lui servent d'aliment, et ce n'est pas autrement que la flamme et le charbon diffèrent spécifiquement. Il en est ainsi du feu de l'enfer, il est de la même espèce que le nôtre. Existe-t-il dans une matière propre ou dans une matière étrangère, et quelle est cette matière? Voilà ce que nous ignorons. Il a certainement des propriétés différentes de celles de notre feu terrestre. Par exemple, il n'a besoin ni d'être allumé, ni d'être entretenu par le bois. Mais ces différences n'accusent point, en ce qui est de sa nature même, une diversité d'espèces. 7. L'enfer est-il sous la terre? Je pense, disait saint Augustin, que nul ne sait en quelle partie du monde est l'enfer, si l'Esprit de Dieu ne le lui a révélé. Saint Grégoire, interrogé à ce sujet, répondait, « Je n'ose rien définir, de peur d'être téméraire, inclinant néanmoins à croire que l'enfer est sous la terre, il démontre que cette opinion est la plus vraisemblable. » La première raison qu'il en apporte est déduite du nom même de l'enfer qui semble indiquer que l'enfer est à la terre ce que la terre est au ciel. La seconde est tirée de ce texte de l'Apocalypse. 5.3. Personne ne pouvait, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre. Ces mots, et sous la terre, se rapporte aux âmes déjà descendues en enfer. Saint Augustin expose aussi deux inductions en faveur de la même opinion. Les âmes des morts ont péché par amour de la chair, elles doivent être plongées sous la terre comme la chair morte, voilà la première. Voici la seconde, la tristesse imprime à l'âme une sorte de pesanteur, et la joie une certaine agilité. Il est naturel que les âmes accablées de tristesse descendent dans les plus basses régions de la terre, pendant que les bienheureux monteront au ciel empyré. Question 98. De la volonté et de l'intelligence des damnés. Que, la volonté des damnés est toujours mauvaise, comment ils se repentent, voudraient-ils être anéantis, désirent-ils que tous les élus soient damnés? Haïssent-il Dieu? Déméritent-ils encore? Usage qu'ils font de leurs souvenirs? De quelle manière ils pensent à Dieu? Veulent-ils la gloire des bienheureux? 1. Toute volonté chez les damnés est-elle mauvaise? Qu'il y ait dans les damnés une volonté naturelle qui les incline au bien, nous l'accordons, mais leur volonté libre est toujours mauvaise, parce que, en voulant quelque bien, Ils ne le rapportent pas à la fin dernière, dont ils sont séparés à jamais. Note. Leur volonté naturelle est tellement viciée par leur malice, que, tout en désirant naturellement un bien, ils ne le veulent pas comme il faut. En outre, ils envisagent comme bon ce qui est mauvais en réalité. Ainsi leur volonté délibérée est toujours mauvaise. Fin de la note. 2. Les damnés se repentent-ils du mal qu'ils ont fait? On se repent du péché de deux manières, directement et indirectement. Les réprouvés ne s'en repentent pas directement, puisque leur volonté perverse subsiste toujours, mais ils s'en repentent d'une manière indirecte, en tant qu'ils en détestent la peine. Note. En aimant l'iniquité, ils maudissent le supplice, ils se repentent de leur péché, sans un changement réel dans leur volonté. Ce qu'ils abhorrent, c'est le châtiment du péché, et non ce qu'ils ont désiré en péchant. Il n'est pas un homme en ce monde, si obstiné qu'il soit dans le mal, qui ne se repente indirectement d'un péché qui lui a valu une punition. Le châtiment comprime les bêtes les plus féroces. Fin de la note. 3. Les damnés voudraient-ils être anéantis? Dans ces jours, les hommes désireront la mort, qui fuira loin d'eux. Apocalypse 9, 6. Ô mort, que ta sentence est douce aux misérables dont les forces s'épuisent, et qui, dans la défaillance de l'âge, accablé de soucis, sans espoir, a perdu la patience. Ecclésiastique 41:3. Ces deux textes des Saintes Écritures démontrent que les damnés préfèrent le néant à leur sort. Ce n'est pas que le néant puisse par lui-même devenir l'objet d'un désir, mais ils l'appellent comme un terme à leurs maux, et, sous ce rapport, ils se présentent à eux comme un bien, car il vaudrait mieux pour eux ne pas exister. Ainsi que le marque cette parole de notre Seigneur, il eût été bon à cet homme de n'être pas né. Matthieu 26, 24. Il vaut mieux, disait saint Jérôme, ne pas être que d'être malheureux. Les damnés peuvent donc préférer, même d'une volonté raisonnable et délibérée, le néant à l'être. 4. Les damnés voudraient-ils que les élus fussent damnés avec eux? Pendant que les bienheureux auront au ciel la charité la plus parfaite, les damnés seront en proie, dans l'enfer, à la plus mortelle des haines. La pensée même du bonheur des saints augmentera leur supplice, comme le montre cette parole du prophète Isaïe 26, 11, qu'ils voient et qu'ils soient confondus, les ennemis de la félicité de votre peuple, que le feu de l'envie les dévore. Ils voudraient que tous les élus fussent damnés avec eux. Note. Lorsque le mauvais riche demandait que ses frères ne vinssent pas dans l'enfer avec lui, il comprenait que sa peine serait plus grande si tous ses proches étaient damnés, d'autres jouissant du bonheur des cieux. S'il avait pu voir la damnation de tous les hommes, il y aurait enveloppé ses frères. Les damnés savent bien que, plus ils seront nombreux, plus le supplice de chacun sera grand. Mais la haine et l'envie sont portées chez eux à un tel degré, qu'ils aimeraient mieux être plus tourmentés avec un grand nombre que de l'être moins tout seul. Fin de la note. 5. Les damnés haïssent-ils Dieu? Il est écrit, l'orgueil de ceux qui vous haïssent monte toujours. Psaume 73, 23. Si les damnés voyaient Dieu en lui-même, il serait dans l'impossibilité de le haïr, mais, comme ils ne le perçoivent que dans l'exercice de sa justice, c'est-à-dire dans leur propre châtiment, ils l'abordent toute la haine qu'ils portent à ces châtiments mêmes. 6. Les damnés déméritent-ils? Il faut distinguer entre l'état des damnés avant le jugement et leur état après le jugement. Tous les théologiens conviennent qu'après le jugement il n'y aura plus ni mérite ni démérite, Car le sort des bons et des méchants sera tellement fixé, qu'il n'y sera désormais rien changé. La bonne volonté des élus sera une récompense, et non un mérite. La volonté perverse des damnés sera, non un démérite, mais un châtiment. Plusieurs disent qu'avant le jugement les saints peuvent mériter, et les damnés démériter. Ce sentiment n'est pas admissible en ce qui est de la récompense essentielle ou du châtiment principal. Les saints et les damnés ont atteint leur dernier terme. Mais il est permis de l'adopter en le restreignant aux récompenses ou aux punitions accidentelles qui peuvent s'accroître jusqu'au jour du jugement, particulièrement dans les démons et dans les bons anges. Le zèle de ceux-ci conduit certains hommes au salut, d'où résulte une joie plus grande pour toute la milice des cieux, la perversité de ceux-là en conduit d'autres à la damnation, ce qui accroît la peine de tous les esprits de malice. 7. Les damnés peuvent-ils faire usage des connaissances acquises sur la terre? Abraham disait aux mauvais riches, « Souvenez-vous des biens que vous avez reçus pendant votre vie. » Luc 16, 25. Donc les damnés peuvent se rappeler les choses qu'ils ont sues en ce monde. Leurs souvenirs seront pour eux des sources de tristesse. Ils penseront à la cause de leur damnation, au bien qu'ils ont perdu sans retour, à l'imperfection de leur connaissance des choses spirituelles et à la possibilité qu'ils avaient de les rendre parfaites. Ils songeront enfin qu'ils ont perdu la souveraine félicité qu'ils auraient pu acquérir. 8. Les damnés penseront-ils parfois à Dieu? Les damnés ne penseront pas à Dieu pour le contempler en lui-même, cette contemplation n'a jamais lieu sans joie, mais ils y penseront indirectement, à l'occasion des effets de la justice divine, qui les punira contre leur volonté. Sous ce rapport, la pensée de Dieu peut causer du chagrin, et c'est uniquement de la sorte qu'ils songeront à Dieu. 9. Les damnés verront-ils la gloire des bienheureux? Du milieu des supplices où il était, leur riche vit Abraham, et Lazare dans le sein d'Abraham. Luc 16, 23. Avant le jugement dernier, les damnés voient la gloire des saints, ils ne savent pas à fond quelle en est la valeur, ils jugent seulement qu'elle est d'un prix inestimable, et c'est là pour eux une torture. Ils la regardent d'un œil jaloux et regrettent de l'avoir perdue, à cette vue, dit l'auteur de la sagesse. 5, 2, ils sont dans le trouble et l'effroi. Après le jugement, les damnés seront entièrement privés de la vue des bienheureux. Leur peine, toutefois, au lieu d'être adoucie, s'accroîtra par le souvenir de la gloire manifestée à leurs yeux pendant ou avant le jour du jugement. Ce qui mettra le comble à leur douleur, ce sera d'être jugés indignes même de contempler la gloire que les saints méritent de posséder. Question 99. De la miséricorde et de la justice de Dieu à l'égard des damnés. La justice divine et la peine éternelle. La miséricorde ne mettra pas de terme aux peines des démons, elle permettra pareillement que les hommes, et même les chrétiens, soient punis éternellement, les œuvres de miséricorde n'exempteront pas par elles seules de la peine éternelle. 1. La justice divine exige-t-elle qu'une peine éternelle soit infligée aux pécheurs? Le Seigneur lui-même a dit, ceux-ci iront au supplice éternel. Matthieu 25, 46. Il y a pour la peine, comme pour la faute, deux sortes de mesures, l'intensité et la durée. Que l'intensité du supplice soit proportionnée à la gravité du péché, rien n'est plus juste, celui qui a commis une action plus criminelle doit subir une peine plus grande, comme le marque cette parole, autant il s'est glorifié et plongé dans les délices du péché, autant vous lui infligerez de tourments et de douleurs. Apocalypse 18, 7. Mais la durée de la peine ne répond pas à celle de la faute. L'adultère, par exemple, qui se commet en un instant, n'est pas puni, même d'après les lois humaines, par un châtiment d'un instant. La durée de la peine correspond plutôt aux dispositions du pécheur. Il arrive, sous le règne de la justice divine, quelque chose de semblable à ce qui se passe parmi nous. L'homme qui commet un crime dans la société en est parfois exclu à jamais, et lorsque, n'étant pas frappé d'une exclusion absolue, il doit en redevenir membre, une peine plus ou moins longue lui est infligée, selon que l'exige sa propre correction. Par le péché mortel, qui brise le lien de la charité, dans laquelle sont unis tous les membres de la cité de Dieu, on encourt l'exclusion totale de la société des saints et l'assujettissement à une peine éternelle. Saint Augustin disait très bien, par le supplice de la première mort, un homme est retranché de la cité mortelle, et, par le supplice de la seconde mort, il est banni de la cité immortelle. Que si l'on ne regarde pas comme éternelle la peine infligée par la société, c'est que l'homme ne vit pas toujours ici-bas et que la société elle-même doit finir, car, supposez qu'une personne dût avoir sur la terre une existence sans terme, elle subirait à jamais la peine de l'exil perpétuel prononcée par la loi humaine. Quant aux hommes qui ne doivent pas être séparés de tout rapport avec les habitants de la cité sainte, je parle de ceux qui pêchent véniellement, une peine plus ou moins longue leur est réservée, soit dans ce monde, soit dans le purgatoire, suivant les arrêts de la justice divine. Les saints pères indiquent encore d'autres raisons pour lesquelles une peine éternelle est infligée sans injustice à un péché temporel. Mépriser la vie éternelle, disent-ils, c'est pécher contre le bien éternel, or celui-là, selon la remarque de saint Augustin, est digne d'un mal éternel, qui détruit en lui un bien qui pouvait être éternel. Il appartenait, ajoute saint Grégoire, à la justice souveraine de ne point laisser sans supplice celui qui n'a pas voulu vivre sans péché. Tomber dans le péché mortel par un acte de sa volonté, c'est vouloir y demeurer perpétuellement. Puisqu'on n'en peut sortir que par le secours de Dieu, ainsi l'homme qui se jetterait dans une fosse, dont il lui serait impossible de se retirer sans un acte de la puissance divine, serait censé vouloir y demeurer à jamais. Le péché mortel met la fin de l'homme dans la créature et y subordonne en quelque sorte toute sa vie, car les impies voudraient vivre sans fin, pour demeurer également sans fin dans leurs iniquités. Le péché mortel attaque Dieu, qui est infini, sa punition ne pouvant pas être infinie en intensité, il faut qu'elle le soit en durée. La faute mortelle, enfin, demeure à jamais, puisqu'elle ne saurait être remise sans une grâce que l'homme ne peut plus acquérir après la mort. La peine ne doit pas cesser tant que subsiste la faute. Note. Temporaire dans son acte, la faute n'en est pas moins éternelle dans la volonté de celui qui la commet. Les peines infligées à des péchés mortels inégaux seront inégales en intensité, mais non en durée. La damnation éternelle des impies peut servir maintenant à la correction des hommes qui font encore partie de l'Église. L'éternité des peines ne sera pas inutile après le jugement. Elle maintiendra sur les coupables le règne de la justice divine, en même temps qu'elle sera un sujet de joie pour les élus, qui, en voyant éclater une telle justice, se réjouiront d'avoir échappé à ses coups, et comprendront combien ils sont redevables à la grâce pour la félicité dont ils jouiront au sein de Dieu. Fin de la note. 2. La miséricorde divine mettra-t-elle un terme au supplice, soit des hommes, soit des démons? Le Seigneur dira aux réprouvés, Allez, maudit, au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Donc le supplice des démons sera éternel. Origène, qui enseignait que les démons seraient un jour délivrés de l'enfer, attira sur lui la juste réprobation de l'Église. Une telle doctrine contredisait formellement non seulement la parole de notre Seigneur, mais encore cet autre texte de l'Apocalypse. 20, 9. Le diable, qui les séduisit, fut jeté dans un étang de feu et de soufre, où la bête et les faux prophètes seront tourmentés jour et nuit dans les siècles des siècles. Dieu ne mettra, on le voit, aucun terme au supplice des démons. Note. La miséricorde de Dieu, toujours subordonnée à sa sagesse, ne saurait s'étendre sur ceux qui se sont obstinés dans leur perversité. Elle s'exercera envers eux, dans ce sens qu'ils seront moins punis qu'ils ne l'auront mérité, mais elle ne les délivrera jamais entièrement de leur peine. Fin de la note. 3. La miséricorde divine souffrira telle que les hommes eux-mêmes soient punis éternellement. Il est écrit au sujet des élus et des réprouvés, ceux-ci iront au supplice éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. Matthieu 25-46. La vie éternelle n'aura pas de terme, le supplice des réprouvés n'en aura donc pas non plus. La mort, disait saint Jean Damascène, est aux méchants ce que la chute est aux mauvais anges, les uns et les autres continuant d'être obstinés dans le mal, la peine de l'enfer sera perpétuelle pour tous. Saint Augustin se sert de cette même comparaison pour établir que les hommes qui meurent sans la charité subiront, aussi bien que les démons, un châtiment éternel. Note. Mais vous direz peut-être, Dieu sera-t-il éternellement irrité? Psaume 81, 8. Ces paroles de David concernent les vases de miséricorde qui ne se sont pas rendus indignes de la faveur dont parle le psalmiste lui-même, quand il ajoute « Leur changement sera l'œuvre de la droite du Très-Haut ». On peut encore les entendre d'une miséricorde qui relâche quelque chose de la peine des damnés, sans la supprimer totalement, quoique jamais cette peine ne doive cesser entièrement. Il est permis de croire que la miséricorde divine l'adoucira. Fin de la note. 4. La miséricorde divine ne mettra-t-elle point au moins un terme à la peine des chrétiens? Les méchants, nous dit saint Paul, ne posséderont pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Ceux qui se sont écartés de la foi catholique méritent non moins que les infidèles d'être punis. Il aurait mieux valu pour eux, nous assure saint Pierre, ne pas connaître la voie de la vérité que d'y renoncer après l'avoir connue. 2 Pierre 2, 21. Il s'ensuit que les chrétiens eux-mêmes ne seront pas exempts de la damnation éternelle. Et, en effet, la foi sans les œuvres est, au témoignage de saint Jacques, 2, 20, une fois morte, Jésus-Christ lui-même a prononcé les paroles suivantes, « Ce n'est pas celui qui crie, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, ce sera celui qui fera la volonté de Dieu. » Matthieu 7, 21. Par conséquent, les chrétiens eux-mêmes qui n'auront pas été rétablis dans la grâce de Dieu avant la mort subiront les peines éternelles, alors même qu'ils auront conservé la foi dans leur cœur. Note. Il ne servirait à rien de nous alléguer ces paroles, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Le Seigneur parlait de la foi vivante qui opère par l'amour. Avec une telle foi, opposée à toute faute mortelle, on est toujours sauvé. Fin de la note. 5. Ceux qui auront fait des œuvres de miséricorde n'échapperont-ils point à la peine éternelle? Ni les fornicateurs, ni les adultères ne posséderont le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Voilà ce que saint Paul nous déclare. Saint Jacques 2, 10 ne parle pas avec moins de clarté. Quiconque, dit-il, ayant gardé toute la loi, la viole en un point, est coupable contre toute la loi. Les choses étant ainsi, ceux qui se livrent aux œuvres de miséricorde, et qui cependant commettent des péchés mortels, seront punis éternellement. Sans la charité, en effet, rien n'est méritoire, ni pour la vie éternelle, ni pour l'exemption de la peine éternelle, rien, pas même les œuvres de miséricorde. Qui osera dire, par exemple, que ceux qui volent de grands biens s'affranchissent de la damnation en faisant l'aumône? Note. On nous citerait en vain cette parole, bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. Les hommes qui exercent la miséricorde dans les conditions voulues obtiendront eux-mêmes miséricorde, mais tel n'est pas le cas de ceux qui meurent en péché mortel, ils peuvent seulement espérer un adoucissement aux peines qu'ils méritent. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.